D'un ciel à l'autre, trois poèmes par Michel Plot. Imagine la mémoire des grandes fenêtres enfin visibles. Imagine que pour être lu, le lointain se rapproche. Ne réchauffe pas les ombres d'une ancienne conversation, mais garde le lieu ouvert. Remonte dans les mots. Retrouve la rivière et le pont, reflets multipliés du monde. Le temps n'a de nom qu'un bercement infini d'étoiles, un verbe oublié et imprévisible. La lumière va d'un ciel à l'autre. Tout est un miroir éclaté, on l'ignore, mais on passe sa vie à se rassembler. Quand bien même je retournerai dans la cour d'école avec le cœur de Mathilde qui cogne dans le mien, quand bien même je passerai la journée à être le bon élève des autres, quand bien même je reviendrai chez moi pour la soupe des heures et l'alphabet de ma mère, quand bien même à la fin des classes, au moment où nous appellent les restes du soleil, je voudrais demeurer encore un peu, derrière mon pupitre, derrière mes paupières, la nuit me tomberait des mains, plus rondes que le souvenir. Ce matin, un arbre est tombé dans son ombre. Moi aussi, un jour, la mort va m'abattre. Parfois, j'entends ces coups de hache que les fleurs boivent sans rien dire. Peut-être qu'elle se bâtit une maison avec mes os. Mais qui voudra vivre en moi? Ainsi s'achève, d'un ciel à l'autre, trois poèmes de Michel Plot.